Voici. Bonjour Marc. À quelle date on est? Selon quel calendrier, Gréco, quelque chose que tu veux savoir? Bon. À l'échelle de la galaxie, si on considère la galaxie selon un continuum spatio-temporel du plus vibrant au plus dense, le pourtour de la galaxie, c'est la dimension la plus densifiée de cette énergie rayonnante. Comme un soleil ou comme un ego? Au niveau de ce soleil central-là, quelles sont les caractéristiques d'expression de ce soleil-là? Chaleur. Mais non. Dans le sens suivant, c'est est-ce qu'il existe à l'intérieur de la galaxie des rapports de coopération, d'opposition, de lutte ou de rapports hiérarchiques de domination entre les différents supports d'expression de cette énergie rayonnante-là de la galaxie? Tout est suffisamment coordonné et en harmonie dans tous les mondes habités. Je ne suis pas habité par nécessairement les androïdes. Dans tous les mondes habités jusqu'à deux ou trois parsecs de la périphérie de la galaxie, jusqu'à quelques années-lumière de la fin de la galaxie. Alors, on a quelques années-lumière où là, il y a des problèmes. La planète Terre est dans une de ces extrémités de bras de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et à l'intérieur de cela, il y a de la coopération et de la coordination partout. Donc, il n'y a de la rébellion, si on veut employer ce terme, que dans les mondes refroidis, donc dans les derniers vestiges des ailerons de la galaxie. Il faut qu'on comprenne que notre galaxie est un phénomène qui ressemble à Saturne. Alors, il y a une immense masse à l'intérieur duquel se trouve le Soleil central, et il y a autour des nébulosités, il y a des espèces de bras de roues, et il y a des étoiles, quelques milliards d'étoiles. C'est une petite galaxie. Et dans les extrémités de ces bras qui tournent, la galaxie est en mouvement circulaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est au centre tourne plus rapidement que ce qui est à l'extrémité. Et c'est ce qui a déformé la forme de la galaxie dans le début des temps. Maintenant, tout tourne à la même vitesse. Du point de vue de déplacement, c'est géostationnaire. Donc, ce qui est à l'extrémité tourne plus vite que ce qui est au centre pour arriver à maintenir sa position par rapport au centre. Et dans les parties très refroidies, il y a un soleil qui s'appelle le soleil. C'est idiot, mais les humains à l'époque baptisaient comme ça. Il y a une planète qui s'appelle la Terre, autour duquel tourne une lune qui s'appelle lune. On a déjà été apparemment le centre de l'univers, c'était facile. Bon. Alors, ce sont les mondes refroidis. Et à partir de quelques milliers d'années-lumière, on peut dire qu'à partir d'Alpha du Centaure, si on veut calculer en termes de distance, mais c'est faux, Alpha du Centaure n'est pas en profondeur dans la galaxie. Alors, on a quelques années-lumière, quelques trois parsecs. C'est quand même plusieurs années-lumière de profondeur, où là, il y a une forme de rébellion, c'est-à-dire où il y a suffisamment de densification pour que les ordres, en réalité, pour que la mécanique coordinatrice soit mal comprise, donc nécessairement interprétée. On l'interprète seulement quand on ne comprend pas. Pas le choix. Quand on ne comprend pas, on essaie de comprendre. Quand on essaie de comprendre, on forme la compréhension. En formant la compréhension, on interprète. De temps en temps, on forme une compréhension qui est exacte avec ce qui est de demander ou donner ou ordonner. Mais plus souvent qu'autrement, la compréhension devient démolie. Alors, lorsque dans le début de ces mondes refroidis, il y a l'interprétation de l'ordre, et ces ordres interprétés sont donnés au monde inférieur, et eux, je ne les comprenne pas, interprètent une autre fois, et d'interprétation en interprétation, ça va très rapidement dans les mondes refroidis, où on arrive à une décadence apparente, qu'on appelle la chute de l'homme. Quand tu as parlé de faisceaux, tout à l'heure, qui sont des expressions sous l'angle des couleurs. Tu as dit qu'il y avait différents faisceaux, différentes couleurs qui s'exprimaient. Et il y avait, à certains moments, des faisceaux extraterrestres qui avaient une incidente, puis qui créaient une nouvelle couleur, une nouvelle composante des couleurs. Ces sources de faisceaux-là sont toujours liées à la galaxie. Ce sont des constellations complémentaires qui sont qui sont à l'intérieur de la galaxie, qui ont une interférence sur l'espace-temps où nous sommes ici, au bras de la galaxie. Ce qui veut dire que les interventions sont toujours en fonction d'une énergie principale de la galaxie, qui est l'immense Soleil. Pour commencer, ce Soleil-là, est-ce qu'il résume les 14 faisceaux dans son expression centrale, là, sa plus vibrante, est-ce qu'il est une synthèse des 14 faisceaux? Oui. Tu as dit tout à l'heure que c'était une répétition, un prototype de ce qui pouvait exister au niveau créationnel. Oui, tu as aussi un soleil central à l'intérieur de l'univers, tu as aussi un soleil central dans le super-univers, tu as aussi un soleil central dans la création. Il n'y en a pas à l'extérieur, évidemment, il n'y a rien à l'extérieur. Qui orchestre les jeux de convergence de faisceaux pour une expérience spécifique comme le phénomène humain dans le bras de la galaxie? Om Mashum. OK. Merci. L'être que tu mentionnais tout à l'heure, ça pouvait être la main, l'humain pouvait représenter la main de cet être-là. C'est un parallélisme. Oui, c'est une analogie. Très bâtard. Il n'y a pas à ce niveau-là ce qu'on pourrait appeler une identification différentielle de cet être-là par rapport à un autre être. Le terme « être » est un terme faux quand il sort de la bouche de l'homme. Il n'y a qu'un seul être. Mais, par exemple, tu as déjà mentionné qu'il y avait des influences qui pouvaient survenir de certaines constellations, par exemple la constellation d'Orion, que tu as mentionné dans mes mains. Est-ce que c'est la source des influences actuelles et origine de cette constellation-là pour la situer en tout cas relativement? Il y a des mécanicités orionéennes qui manipulent un peu la conscience évolutive de l'homme. Mais tout à l'heure, lorsque je faisais référence à un 15e faisceau, un faisceau ectopique qui pénétrait, ça ne provenait... Oui, ça passait par Orion, mais ça avait une provenance qui était extérieure à Orion, plus loin, reculé, derrière. Mais quand tu dis reculé, arrière, c'est toujours à l'intérieur de la galaxie, quand toujours. Même? Il y a de temps en temps des mécanicités. Entre les galaxies, les seuls transports possibles sont des transports séraphiques de très haut niveau. Il n'y a pas grand transport. Il y en a du point de vue michaélien, il y en a dans certains points de vue où on aura une effusion nouvelle, l'accumulation, parce que quand on dit que l'univers, dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, seulement dans l'univers planétaire de l'homme, même dans l'univers pas tout à fait galaxique, mais dans l'univers périphérique de la galaxie de l'homme. De temps en temps, il y a de la nouveauté dans l'univers. Il y a de la création gratuite. C'est-à-dire que c'est une création qui apparaît sans être une réaction, sans cause. Évidemment, c'est créationnellement une réaction, c'est-à-dire que ça apparaît dans l'univers, donc il fallait que l'univers existe pour que ça apparaisse dedans. C'est sine qua non. Mais du point de vue même de son apparition, c'est neuf, c'est gratuit. Il y a du neuf dans l'univers. Il y a du neuf dans le super-univers, il y a du neuf dans la création. Et de temps en temps, ce neuf est un faisceau énergétique nouveau. Un trou, une lumière, qui descend et qui vient coopérer, les termes sont humains, avec la mécanique évolutive. Il y a encore dans cette création des régions en phase de fusion, donc en phase d'involution. Ce sont des parties qui sont proches et loin de nous, qui sont en phase d'involution. La majorité de la création est en phase de stagnation ou en phase d'évolution. Alors, il y a de temps en temps, de d'autres galaxies, il peut y avoir de d'autres galaxies, des mécanicités contactantes qui pénètrent la nôtre et qui viennent influencer des mondes que nous ne connaissons pas du point de vue astronomique, et qui, de temps en temps, par répercussion réactionnelle, ça peut aussi engendrer des mécanicités chez nous. Est-ce qu'un être qui a un niveau de conscience supramentale peut localiser sa conscience dans le centre de la galaxie? Oui. Est-ce qu'il en retire une information, une synergie énergisante? Un être fusionné. Un être qui est en processus fusionnel? En processus fusionnel, tu es admis dans la maison d'un habitant qui reste au cœur de notre Soleil. Un être qui a terminé sa fusion est maintenant admis dans le palais de celui qui habite au centre de la galaxie. Donc, tu as accès à de l'information et à des privilèges qui sont attribués à des avatars ou qui sont attribués à des humains de ce niveau-là. Et celui qui a une conscience fusionnelle avec le plan bouddhique, donc avec un... ce n'est pas un double. Avec cette mécanicité qui, à un moment donné, sera créée au-delà du plan supramental dans le plan bouddhique, celui-là aura un accès dans le centre de son univers. Et par la suite, l'être humain, par fusion avec d'autres mécanicités qui ne sont pas suffisamment effusées et qui attendent l'humain à certains niveaux, il y aura des contacts, des fusions, des mélanges, des mixages, et l'être humain sera maintenant admis là où il y a la maison dans le super-univers. Et finalement, à travers le temps, lentement, l'histoire continue. Quand tu dis que tu as assimilé des mémoires du futur, l'an 3000, si tu as déjà mentionné... C'est vrai, il faut. Oui, c'est que tu as déjà mentionné que le mental, c'est de l'antitemps. Mm-hmm. Plus le mental se réchauffe, plus il a tendance à cohérentiser et à organiser les choses. Est-ce que ça veut dire que plus tu t'énergises, plus tu as une vision exacte de la mécanicité exécutante qui va se passer? Tu comprends la mécanique. Et automatiquement, tu te dis, c'est là que ça s'en va, donc tu as une vision, tu viens de t'associer la mémoire du futur de ça, tu sais que ça s'en va là. Oui, ça c'est une mécanique qui nous permet d'avoir des contacts avec le futur. On appelle cela la préscience. Ce que tu viens de définir, c'est la préscience. Lorsque tu as une préscience, ça permet de cheminer dans des futurs possibles. Cheminant dans des futurs possibles, tu finis par encoder ton passé et tu décodes l'avenir. Et tu finis par, intentionnellement, selon ta capacité de contact avec l'intelligence, par déterminer une voie qui sera la tienne. Et lorsque cela est fait, de l'avenir va se précipiter énormément d'expériences planétaires. Donc, ce n'est plus maintenant une préscience, ce n'est plus un décodage de ce qui a été encodé, codifié, c'est maintenant la réincarnation réelle de l'avenir chez toi. Celui qui a une fusion transtemporelle. Ce n'est pas le cas de tout fusionner. Celui qui a une fusion transtemporelle parvient à échapper d'une façon originale à l'évolution et à l'involution, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment solide pour être capable de supporter en même temps la digestion de l'avenir et du passé. Cela lui permet d'accomplir en dedans de quelques années ce qu'un humain normal devrait faire en dedans de quelques milliards d'années. Est-ce que ça impose des conditions de génétique humaine très rigoureuses? Parce oui. Qu'il doit y avoir des chocs successifs. Ça impose cela. Ça impose aussi des conditions astrales très rigoureuses. Par exemple, dans les années à venir, il y a des fortes chances qu'on développe. Peut-être que je vais m'y mettre, peut-être pas, mais si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, la chirurgie astrale. Alors, on pourra opérer l'ego, corriger des torts dans l'ego, et faire des greffes d'ego, éliminer des tumeurs dans l'ego, pour permettre à la conscience supramentale d'avoir moins de résistance du point de vue biologique, tout en conservant un ego suffisamment animateur pour préserver l'intégrité du corps physique en attendant que l'intelligence prenne le dessus. Alors, il y a des mécanicités, et c'est évident que du point de vue génétique, il y a possibilité aussi de travailler la génétique dans le but de former des corps suffisamment solides. La problématique, c'est que ce n'est pas utile présentement. La meilleure chose qui peut être permise aujourd'hui, c'est la chirurgie égoïque, c'est-à-dire lorsqu'un être humain a une génétique passablement convenable. Alors, il y a maintenant, on a la possibilité, c'est karmiquement convenable, de faire une opération, une chirurgie esthétique dans l'ego, lui remonter la face un peu, pour faire en sorte que le corps physique soit moins endommagé par la présence de l'ego, par sa lutte, et pour faire en sorte que la partie de l'ego qui est opérée puisse plus facilement accepter le contact supramental, donc moins lutter. On ne touchera pas encore à la génétique, mais la génétique doit être quand même suffisamment convenable. Elle sera améliorée par cellularisation par la suite, là, mais disons qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être convenable. Est-ce qu'on peut considérer que tous les mécanismes d'apprentissage que tu suggères, ça fait partie de la démarche de chirurgie esthétique? Les mécanismes d'apprentissage que j'ai suggérés et que je vais resuggérer prochainement à un public beaucoup plus vaste, c'est une mécanique qui fonctionne évidemment par l'inconscient, c'est-à-dire que c'est l'ego qui achète et sans savoir ce qu'il achète, il travaille quand même contre lui, il travaille pour l'intelligence, pour l'évolution, Il travaille pour le résultat qu'il recherche, mais il travaille quand même contre lui, parce que tous les résultats évolutifs que l'ego recherche sont des résultats qui vont le démolir. Donc, on ne fourre pas l'ego, on lui donne ce qu'il veut. Mais on ne dit pas qu'il ne l'aura pas, même si le résultat va être là. Enfin, il ne dit pas tout. Il ne comprendrait pas de toute façon. Alors, il y a dans ces démarches des démarches qui ne servent qu'exclusivement à permettre une prolifération d'énergie vitale au niveau du cerveau pour préserver le cerveau lors de contact avec l'ajusteur de pensée. Il y a des techniques. En l'occurrence, ces techniques-là, ça pourrait être la technique du pompage sacré, la technique minifiée, des techniques de ce genre. Il y a des techniques qui permettent la négoïsation inconsciente, c'est-à-dire que lentement, veut pas, ça change ton ego par réflexe bio-égoïque. Alors, on a encore un peu Menfi, quoique Menfi permet surtout le développement énergétique des neurones et l'accélération du contact axonique entre des neurones qui ne servent pas à grand-chose, disons de la mutation cérébrale. Et dans le phénomène de la négoïsation lente, il y a la méditation supramentale, il y a toutes les techniques d'écofi, on a les démarches flottantes qui énergisent énormément, mais qui demandent de la patience à l'ego et qui lentement viennent d'altérer l'ego. Parce que plus il y a d'énergie vitale qui circule au niveau de ton corps, il faut que tu la prennes quelque part, cette énergie-là. Tu la prends au niveau de ton périsprit. La prenant au niveau de ton périsprit, tu deviens sensible, c'est-à-dire que ton corps vital commence à détecter des choses autour de toi. Devenant sensible, l'ego se sent un petit peu insécure, et parce que tu as une voix mentale, donc développement du kiai et de d'autres phénomènes dans le genre, parce que tu as une voix mentale, tu vas résister à cette subtilité de perception, et lentement, il y aura des parties de l'ego qui vont se désagréger pour venir épaissir le périsprit, étant donné que le corps vital puise dedans pour pouvoir mieux sentir le corps physique, démarche flottante, ce genre de choses. Alors, il y a différentes techniques comme ça qui permettent à l'humain qui les pratique raisonnablement de parvenir à une mutation cellulaire. Ça ne s'adresse quand même pas à tous les humains, il y en a qui partent de trop loin. Ça marche avec tous les humains, mais il ne faut pas s'attendre à un résultat extrêmement fascinant dans les 10 années qui viennent pour la majorité des humains de la planète. Alors que d'autres humains, en quelques années, peuvent changer radicalement, c'est-à-dire qu'ils peuvent carrément muter, difficilement reconnaissables par leur entourage, en ayant pratiqué des techniques suffisamment biologiques. Ce n'est pas des techniques de prière, ce n'est pas des techniques en lisant des livres sacrés, ce n'est pas du lavage de cerveau, c'est des techniques pratiques, mais ça change. Il y aura ce genre de phénomène. Au niveau de la chirurgie astrale, de la chirurgie égoïque, parce qu'il est bien évident que lorsque l'humain a la faculté d'opérer chirurgicalement, bon, finalement, chirurgicalement, il faut s'entendre, mais c'est similaire, là. D'opérer un ego, il peut aussi opérer un Dieu. Ça va de soi. C'est une chirurgie un peu plus vaste, justement. Il faut quelques assistants pour opérer le monde de la mort. En parlant de dimension astrale, est-ce qu'il existe au niveau supramental l'équivalent de l'astral terrestre? Mais quand tu parles de références mémorielles gigantesques au niveau supramental, qui équivaut à l'échelle humaine à de l'instantanéité, ce sont des traces mémorielles. Oui, donc... mais ce n'est pas émotif, ce n'est pas des irréels, ce n'est pas archétypé, ce n'est pas égoïsé, ce n'est pas la même chose. C'est quand même dans l'environnement de la galaxie, c'est toujours... Ça reste de la mémoire. L'énergie supramentale est de la mémoire galactique. Sauf qu'elle n'est pas colorée, elle n'est pas démarqué par l'émotion, par le désir, par l'ego. Quand si on essaie de mettre plus de précision sur des concepts que tu utilises, par exemple, tu dis l'homme a une intentionnalité de résorption créationnelle. Dans la perspective de ce que ça représente là actuellement, c'est de la constitution de véhicules de plus en plus optimisés pour l'énergie de plus en plus puissante qui peut s'en servir. Mm-hmm. Quelle va être la mécanicité de réaction conséquentielle de la croissance du phénomène humain dans la galaxie? Il y aura des perturbations, évidemment, pour la simple raison qu'il y a des hiérarchies cosmiques qui font partie des mondes refroidis, donc font partie des 2-3 parsecs en périphérie d'une galaxie. Quand je dis parsec, c'est un peu moins que des 2-3 parsecs, mais en tout cas, je vais donner un terme tout à l'heure, c'est intéressant. C'est inégal, c'est-à-dire qu'au niveau des mondes refroidis, je précise cela pour moi, c'est que on a cette couche et ça fluctue dépendant des endroits de la galaxie. Et la distance, donc, varie. Il y a, dans les mondes refroidis, des hiérarchies cosmiques, c'est-à-dire des mécanicités qui ont coloré les ordres, la mécanique, et qui, elles, ont suffisamment d'identification émotive, d'une forme d'émotion, similaire à celle de l'homme, mais pas comme l'homme, et ils ne voient pas d'un bon œil l'évolution de l'homme. Et les hiérarchies cosmiques qui voient de plus mauvais œil l'évolution de l'homme sont les hiérarchies accolées à l'homme dans le monde de la mort. Donc, ce sont les dieux. Ils sont totalement jaloux. J'expliquais dernièrement à une conférence vendredi que ces dieux-là ne faisaient rien pour l'homme. Chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre, on avait beau prier, c'est l'homme qui fallait qu'il s'en sorte. Chaque fois qu'on amenait des belles choses sur le plan planétaire, c'est l'homme qui les amenait. Toutes les inventions, c'est l'homme qui les a amenées, c'est l'homme qui les a fait. Toutes les maladies, c'est l'homme qui a travaillé, fait de la recherche pour guérir. Du Dieu, certains vont dire, oui, mais c'est Dieu qui a donné aux chercheurs, après 15 ans de recherche, la solution. Oui, donc, il y a même qui n'a pas créé la maladie. Le mot, c'est pas plus simple. C'est toujours l'homme qui doit s'en sortir. Les dieux n'aident jamais l'homme. Alors, les hiérarchies les plus... Les dieux, tout ce qu'ils font, les dieux, c'est de têter l'homme. L'homme est un végétal et Dieu est un animal herbivore. Il bouffe. Et tout. L'homme est un légume. Il sert d'aliment émotif aux dieux. Alors, la hiérarchie la plus contre l'évolution de l'homme, c'est la hiérarchie divine, du point de vue du monde de la mort, du point de vue des théologies. Et cette hiérarchie-là, bien évidemment, quand l'être humain évolue, ça crée un remous absolument majeur là-dedans. Premièrement, non seulement on va sauver Dieu, deuxièmement, on va traverser le contexte du monde de la mort pour aller rejoindre des hiérarchies qui font partie aussi des mondes extraterrestres, en ce sens qu'ils ne sont pas terrestres, qui ne font pas partie des plans d'intelligence, quoiqu'ils font partie des plans sous-jacents d'intelligence, des sont des plans qui, entre l'intelligence et nous, cohabitent avec l'intelligence et avec nous. Et ces mécanistes-là, ces hiérarchies cosmiques-là aussi, ne veulent pas, ne sont pas tellement intéressés, parce qu'à un moment donné, l'enfant se réveille, il finit par prendre une place d'adulte, qui fait en sorte que ces hiérarchies n'ont plus de raison d'être. N'ayant plus de raison d'être, ils ne pourront plus jouir de l'apparente identification, donc de l'apparente plaisance qu'ils ont présentement d'être là, au-dessus de nous et en dessous de l'intelligence. Ils sont en pouvoir énergisé par la présence de l'âme, ils sont en sécurité supportés par la présence de l'intelligence. Mais lorsqu'il n'y aura plus d'âme, ils seront les plus bas. Et ce n'est pas plaisant. Alors, il y a donc des hiérarchies qui feront tout pour empêcher l'homme de monter. Et il y a quelques hiérarchies à travers cela qui vont plus brillantes ou plus pissous, dépendant, parce qu'il y a les deux, qui vont s'arranger pour essayer de voler la génétique de l'homme, c'est-à-dire de se connecter à l'homme, de façon à monter avec l'homme et à ne pas rester en bas. C'est une minorité. Une minorité suffisamment grandiose pour créer quelques problèmes dans la conscience émotive de l'homme, mais c'est une minorité. Mais on origine, nous, d'un espace-temps essentiellement violet. On bouffe. Absolument. Tous bouffent. Absolument. Est-ce qu'à l'échelle d'une perception galactique, on est ce qu'on appelle le glaive qui viendra? C'est-à-dire, on apportera plus une notion de belligérance ou de par rapport à ces hiérarchies-là. Est-ce qu'on est... Bof. Le mot est peut-être pas... Non, le mot est correct. L'épée, le glaive, bon, la matraque. L'astrame du directeur. Mais tu sais, ça va être un... Nous représentons un facteur combattant. Oui, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tout l'univers est un glaive pour nous. Nous sommes un glaive pour l'univers. C'est pourquoi j'ai fait quelques grimaces. C'est que finalement, tout est un glaive pour tout. C'est une guerre. Mais quelle est la réaction, l'intérêt de... on a une réaction de conséquentialité. Seulement, l'humain, en s'énergisant, il y a un rapport de conséquentialité avec les niveaux d'énergie supérieure. Oui, mais la conséquentialité, ça appartient à l'homme seulement. Il va venir un temps où l'humain n'aura plus besoin d'être conséquentiel. Ce qu'il va faire sera parfait. Sera parfait strictement parce que c'est l'homme qui le fait. Présentement, nous formons une armée bâtarde. Présentement, nous sommes dans un niveau où il y a la réaction, donc la réactionnalité, et il y a la transparence de l'intelligence au travers de la conscience brumeuse astrale de l'âme qui permet la création d'une logique mentale et qui va faire en sorte d'opérer un travail dans la conscience astralo-mentale de l'âme pour permettre à l'âme d'arriver à comprendre avant la réaction qu'il va accomplir. C'est cela qu'on appelle la conséquentialité. La conséquentialité est une chose à développer. Non, pas pour elle-même. On ne développe pas la conséquentialité pour la conséquentialité. La conséquentialité est le savoir avant, la préscience d'une réaction. Ouais, c'est tout. Être conséquentiel ne nous donne pas de libre arbitre. Mais être conséquentiel, on va savoir d'avance, on va comprendre la mécanique qui va aboutir à un résultat. Sauf que lorsque l'être humain arrive à un contact plus intelligent avec lui-même, donc lorsque l'humain se centre dans sa propre intelligence, lorsque l'humain est en contact avec son esprit, lorsqu'il est relié à son esprit, il arrive à être intentionnel. Et lorsqu'il est intentionnel, il n'a plus besoin d'être conséquentiel. Tu te fais différent. Tu décides de faire ceci, les conséquences seront toujours ce que tu voudras. Tu es intentionnel. Alors, tu veux casser la gueule à quelqu'un pour qu'il se sente heureux. Casser la gueule, il va se sentir heureux. Tu es intentionnel. Il n'y a plus de conséquentialité. Mais tant que tu restes dans une mécanique réactionnelle et que l'intentionnalité fait que si on casse la gueule, il souffre, si tu casses la gueule, il va souffrir. Si tu sais ça d'avance, Tu te manipules toi-même à ne pas lui casser la gueule. En réalité, la manipulation de la conséquentialité devient plus importante que la manipulation de la réactionnalité. Donc, manipuler, tu ne frappes pas. Et la mécanique, le résultat, expliqué énergétiquement, neuroniquement, mécaniquement chez toi, donne l'idée que 1 plus 1 égale 2. Donc, si tu ne donnes pas le 1 ou 1, tu n'auras pas le 2. Lorsque l'être humain devient intentionnel, il accomplit. L'intentionnalité, ce n'est pas de dire, « Bon, je veux gagner la loterie sans que ça dérange personne. » L'intentionnalité, c'est autre chose. L'intentionnalité n'est pas exprimée par l'humain présentement. Il y a un peu de créativité, il y a une conscience créative qui se développe chez l'homme, mais ce n'est pas de l'intentionnalité encore. C'est une conscience qui amène du neuf dans la conscience archaïque, une conscience créative. Mais ce n'est pas une créativité à partir de rien, ce n'est pas une créativité absolue, une créativité qui est relative. Alors, l'intentionnalité appliquée dans le contexte humain serait, tu fais ce que tu veux, c'est parfait. Et on va être deux à faire des choses différentes et ça ne se nuira pas, c'est impeccable. Tu n'as pas besoin de dire, je veux ceci, sans que ta conscience, tout ce qui te constitue, le dicte déjà. Donc, tu ne demandes rien, c'est déjà là. Tu n'as pas besoin de paramétrer, tout est parfait. L'intentionnalité échappe à la conscience de l'homme. L'homme n'est pas intentionnel, l'homme n'a pas de débarbé, de toute façon, du point de vue de l'ego. Et lorsque l'être humain sera intentionnel, il n'a plus besoin de conséquentialité. La conséquentialité, c'est un leurre. C'est-à-dire que c'est un leurre intéressant. C'est une marche d'escalier. Ce n'est pas un but, c'est un moyen, un outil. Être conséquentiel veut dire connaître la conséquence de notre manipulation avant qu'on l'exprime. Et cette conséquence manipulative va donner une saveur différente à l'ego lorsque, bon, regarde, il y a deux formes de conséquentialité, mais finalement, ça se rapproche énormément. Il y a un temps où tu es manipulé et on te dit « casse-lui la gueule, saute dessus, parce que tu l'haïs. » Ah ben, crime, c'est correct, tu l'haïs, c'est parfait, saute dessus. Si tu sauterais dessus sans savoir pourquoi, tu ne pourrais pas vivre, ton ego souffrirait trop. Là, il réellement décoderait qu'il est manipulé. Alors, on donne une raison à l'ego, saute dessus, tu l'haïs. Là, tu sautes dessus parce que tu penses que tu l'haïs. Ça permet à l'ego de dire « ben oui, mais j'ai décidé de sauter dessus, crime, je l'haïs. » Mais quand on évolue, sauter dessus parce qu'on l'haïs, il n'y a pas plus. Alors là, maintenant, il faut que tu ne sautes pas dessus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va donner comme réponse à ton ego? Et parce que je l'aime. C'est vrai, ça marche. Mais il va venir un temps où ta saveur vibratoire va être au-delà de l'amour et de l'haine. Alors maintenant, c'est quoi la raison? Qui va faire en sorte que mon ego va supporter qu'il est manipulé? Ben, c'est la conséquentialité. Je ne fais pas ceci parce que je suis conséquentiel, parce que si je fais ça, il y aura ça, ce que je ne veux pas, donc je fais ça. En réalité, tu aurais fait ça. Mais quelle aurait été la raison de donner à ton ego pour que ton ego supporte le fait d'être pris dans une prison où il n'y a pas le contrôle? La haine, ça ne fonctionne plus. L'amour, ça ne fonctionne plus. La vibration fait qu'il ne peut plus y croire. Il reste quelque chose qui se rapproche de l'intentionnalité, donc qui se rapproche de l'intelligence, du mental, de la logique, c'est la conséquentialité. Alors maintenant, on lui donne des raisons conséquentielles, écologiques. C'est bien. Il vit mieux. Et à un moment donné, ben, il y aura des raisons intelligentes, plus que conséquentielles. Là, il pourra dire, je tue tous ceux-là pour sauver tous ceux-là. Pourquoi? Ben, c'est intelligent, c'est esthétique. Et à un moment donné, il y aura quelque chose de plus fort. Il n'y aura plus besoin de raison, il sera l'intentionnalité, il sera donc le maître. La résorption du phénomène des mondes froids, dont l'homme est un élément de solution, c'est... Une partie de l'homme. Une partie de l'homme. Oui. Est-ce que le but, c'est de réchauffer ces énergies-là en les réénergisant? Ils ont tendance à se départitionner, à se refroidir, à se ralentir. L'homme est comme une espèce de relais qui renvoie ces énergies-là en les réaccélérant. En réalité, c'est faux. Il n'y a pas de refroidissement présentement dans notre monde. Mais tu dis que c'est un monde froid par rapport au monde chaud. Dans le monde froid où nous sommes, par rapport... Par rapport, seulement par rapport. Du continuum de la galaxie, le centre, à la périphérie, il y a déjà aussi un phénomène de ralentissement énergétique. Est-ce que tu sais à quelle vitesse tu te déplaces? C'est relatif. Si je me base à la galaxie, je peux être au centre. Par rapport à la vitesse où la galaxie elle-même, le bras se déplace, si je l'évalue par rapport peut-être à l'autre galaxie, c'est peut-être très rapide. Dans quelle direction tu te déplaces? Aucune idée. Parce que j'ai pas de point de référence. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de point de référence? Parce que ma conscience n'est pas capable d'occuper à la fois deux points d'observation. Non. Ça c'est pas ça. C'est de l'illusion. C'est un point de vue, en tout cas. Il y a un autre point de vue. Le mien. Le chaud, le froid revient un peu de cette mécanicité du point de vue de la relativité de perception. Tu vois ce pot noir ici? C'est comme la plante, le mur, toi. Il grandit à 300 000 km à la seconde vers le haut. Imagine la grandeur qui atteint. Mais il n'est pas disproportionné parce qu'il s'élargit de tous les côtés à 300 000 km à la seconde. Plus que la chaise, elle grossit dans toutes les directions à 300 000 km à la seconde, et ça, c'est tout le temps. Et toi qui es assis dessus, fais la même chose. Nous sommes dans un monde totalement en mouvement, mais à un point tel que nous grandissons, nous grossissons tout au complet, près de 300 000 km à la seconde, sans arrêt. La proportion de l'univers comparativement à sa création est absolument faramineuse. Et à travers ce déplacement dans tous les azimuts, et dans l'espace, et dans le temps, et ce n'est pas... Du point de vue énergétique ou du point de vue de conscience, ce n'est pas un facteur exclusivement relatif ou philosophique. Nous englobons à une vitesse folle du temps et de l'espace. La problématique, c'est que tout tend présentement à grossir en même temps que nous. Mais nous avons une tendance, par notre conscience, à atteindre une vélocité supérieure à 300 000 km à la seconde. J'ai expliqué que la conscience de l'homme, le 300 000 km à la seconde, la vitesse de limite de déplacement dans ce continuum, dans cette limitation universelle, était 300 000 km à la seconde, mais que l'être humain avait de plus en plus tendance à avoir un contact avec une énergie universelle qui provient de l'espace supra-universel, une énergie galactique qui provient de l'espace universel, supramental ou bouddhique. Lorsque l'être humain atteint la conscience supramentale, il atteint une vitesse de déplacement supérieure à 300 000 km à la seconde. Et là, l'expansion de l'univers, relativement à notre expansion, va se transformer en régression. Tu me suis? Le chaud et le froid, c'est une divergence d'opinion dans la rapidité avec laquelle il y a un déplacement. Lorsque nous parlons de monde refroidi, nous parlons d'un monde qui n'a pas la conscience du déplacement. Lorsque nous parlons d'un monde réchauffé, nous parlons d'un monde qui a la conscience du déplacement. Et pour avoir la conscience du déplacement, nous devons voyager à une vitesse particulière, exactement comme pour un ego. Pour avoir sa conscience d'identité, il doit y avoir une vibration particulière à l'intérieur de lui, sinon il n'a pas suffisamment de déplacement ou de présence dans un volume particulier de l'espace, dans un temps donné, pour avoir l'illusion d'être. Si l'ego ne peut percevoir qu'une chose à la fois, il ne peut pas se percevoir lui. Quand l'ego arrive à une vitesse de vibration de déplacement qui approche les 200 000 km à la seconde, il commence à visiter suffisamment de lieux de lui-même pour codifier le fait qu'il est là. Lorsque l'ego arrive à 300 000 km à la seconde, la pensée entre autres, il peut maintenant non seulement codifier le fait qu'il est là, ça c'est maintenant c'est clair pour lui, il peut commencer aussi à légiférer sur l'extérieur, avoir une conscience planétaire, une conscience qui grandit. Mais il arrive à un plafond de vitesse, 300 000 km à la seconde, 299,792,5, plus ou moins 5, dépendant encore de l'endroit où la lumière se promène. Lorsque l'humain arrive à cette vitesse de conscience, il est plafonné à l'humain. C'est ça l'humain. Arrête là. Pour avoir une conscience plus étendue, pour être plus présent, dans plus d'espace, dans moins de temps, il doit le plus. Cette vitesse par rapport à l'humain semble être l'instantanéité, la vitesse supramentale. Lorsque l'humain atteint cette conscience supramentale, immédiatement pour lui, l'expansion universelle arrête. Tout grandit à la même vitesse et l'expansion de l'univers. Les distances entre deux planètes grandissent, et les planètes aussi. Tout. Lorsque l'homme a une conscience supramentale, il commence à grandir plus vite. Pas de son corps physique, de sa conscience, pour commencer. Alors, il commence à rattraper. Pour lui, bien évidemment, le déplacement qui était apparemment stable ou éloigné dans la phase d'involution, si on se déplace plus lentement que le reste de la création, nécessairement tout le temps à s'éloigner de nous autres. Ben, ça va cesser, lentement, ça va se rapprocher. En réalité, c'est lui qui va simplement les englober. La mécanicité du chaud du foie, c'est une divergence d'opinion, c'est une divergence de perception, c'est tout ça. Fermez la parenthèse. Il y a comme une espèce de membrane énergétique pour l'univers où nous sommes à 300 000 km/s. Ouais. Du phénomène humain qui est rendu à cette vélocité. Mais c'est pas vite, 300 000 km/s. Qu'est-ce qui se produit quand, ce que tu appelles, il y a une implosion du phénomène humain en réaction de conséquentialité pour les autres niveaux énergétiques qui ont une vélocité plus grande, qui donc, pour eux autres, paramètrent l'univers où nous sommes, parce qu'ils l'incluent en termes de vibration. La question est assez inajustée. Il y a des mots qui sont pas convenables. Il faudrait que tu clarifies ta pensée pour le plaisir de tes oreilles. Que tu passes aux questions? On va passer aux questions. On y reviendra à un moment donné. Quand y a-t-il eu une intervention spéciale des composantes de cet énorme soleil? Il y en a eu une, voilà. 1991 années. Il y en a eu une, il y a 19 années. Et puis, il y en a eu quelques autres un peu avant, là, 2000 ans. Puis antérieurement aussi. Quand tu dis qu'il y en a eu une il y a 19 quelques années. Pourquoi tu parles de elle? Pourquoi tu parles pas des autres? Parce que c'est tellement proche que c'est plus frétillant un peu comme information. Ah, la conscience change. Peut-être 19 ans, c'est proche, tu vois, ça c'est bien. Mais sans digression sur la question, ce type d'expression-là est lié au contexte où nous sommes ici au Québec, en gros. Ben oui. Le phénomène québécois, est-ce que c'est un phénomène qui est tributaire d'un seul faisceau principal? Non. Par exemple, tu mentionnais tout à l'heure que le faisceau orangé est un faisceau de la religion judéo-chrétienne. Et à l'intérieur de ça, des mosaïques de faisceaux peuvent éclater, qui créent autant de sectes, si tu veux, de colorations subsidiaires. Je veux. Toi, tu as vécu dans un environnement judéo-chrétien. Tu es donc une variante de coloriation du faisceau orangé judéo-chrétien dans l'expression de ce que tu véhicules. Non, dans ma lignée familiale, il y avait beaucoup d'athées. Il y a eu quelques croisés. Il y a eu des protestants. Il y a eu des Amérindiens. Il y a eu des Chinois. Il y a des bouddhistes. Il n'y a pas eu l'islam, par exemple. Mais sauf que la source... Il y a eu des Égyptiens. Et actuellement... On adorait Ra à l'époque. Ça fait longtemps. Mais sauf que dans la génétique actuelle, ce que tu paramètres de toutes ces expériences-là, c'est dans le cadre d'un faisceau qui paramétrise... c'est judéo-chrétien. Est-ce que c'est une variante... Ce n'est pas judéo-chrétien. De quelle couleur est le faisceau que tu exprimes? Je vais en parler très, très prochainement. À moins que tu reposes la question de façon convenable. Je pourrais le dire, mais c'est pas orange. C'est pas orange. Ça t'arrange pas, mais c'est pas ça. Nous qui suivons de plus en plus l'écoute de ton discours, est-ce que nous sommes susceptibles de prendre la même coloration que toi au fur et à mesure de l'assimilation énergétique? Susceptible, vous l'êtes. De prendre la même coloration, non. Ou vous avez la même coloration, ou vous ne l'avez pas. On peut exprimer des variantes dégradées de la couleur principale. Il y a deux chemins présentement pour arriver au contact supramental. Pour toi, il y en a juste un. C'est moi. C'est plat. Mais c'est comme ça. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'expliquer. Ça veut simplement dire que lorsque ton ajusteur de pensée commence à travailler, il cherche de l'énergie supramentale. D'ailleurs, ce qui a fait que de Québec, tu te déplaces jusqu'ici. Lorsqu'il trouve de l'énergie supramentale, ici, à Breuve, mais de trouver de l'énergie supramentale qui est d'une couleur en rapport avec son faisceau. Soit que c'est le même faisceau, soit que c'est similaire en couleur. Tu as besoin d'un dentiste et tu ne rencontres qu'un vétérinaire, puis il n'y a rien d'autre, ben, tu vas t'en contenter. La journée qu'un dentiste qui passe, tu lâches le vétérinaire, tu en vas voir le dentiste. Donc, tu peux bifurquer à travers le temps. sans maudire le vétérinaire, mais il était temporairement, il y avait juste lui de présent, donc tu l'as pris. Fait, à un moment donné, tu vas fouiller ailleurs. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, à travers les individus qui peuvent remplir l'astral de phénomènes supramentaux, lorsque l'être humain, il n'y en a pas beaucoup sur le plan planétaire actuellement, lorsque l'être humain a un canal, un ajusteur de pensée qui commence à rechercher dans le monde de la mort de l'énergie supramentale, il va aller se greffer immédiatement au réservoir supramental laissé par un individu qu'il connaît. Et il va s'abreuver là. Donc, il devra traverser ce que j'ai mis dans ce réservoir. S'il s'y abreuve et qu'il pense qu'il a atteint le contact supramental, il devient un MTS, un martyr de la transition supramentale. Si ça ne le dérange pas d'être là, d'avoir plus ou moins mes mots, d'avoir plus ou moins les explications que je donne, dans le début de ne pas amener du neuf, mais de répéter en comprenant ce que j'ai déjà dit, alors qu'il aurait pu répéter avant sans tout comprendre, à un moment donné, il va connecter ce réservoir-là, puis on va lui dire, explique-nous donc, qu'est-ce que la mort? Il va l'expliquer, les gens vont dire, ah, il est de la même école que Daniel Kemp. Oui, mais là, il va le dire sans fouiller dans sa mémoire. C'est quelque chose de neuf qui va sortir pour lui, mais c'est dans les mêmes mots. Et ça ne le dérange pas, puis ça ne le dérange pas du tout. Et bien lentement, il aura cheminé dans ce réservoir suffisamment qu'il le connaîtra. Et là, il va commencer son cheminement qui va être libre. Alors, l'humain n'arrivera pas à un contact supramental sans passer par une des deux voies. Lorsqu'il aura cheminé sur une des deux voies jusqu'à la fin de cette voie, là, maintenant, il va commencer son propre cheminement supramental. Il n'y a pas d'humain présentement. Il y en aura quelques rares exceptions. Il y en aura une dizaine d'exceptions sur la planète qui vont eux-mêmes faire un nouveau chemin. Et tout le reste de l'humanité devra passer par un des deux chemins. Donc, pas le choix. Puis c'est pas chiant. C'est drôlement plus plaisant. Tu n'as même pas de casse à la tête. Tu attends un an ou deux, là. Puis après ça, ben là, tu as juste à traverser. Si on essayait d'identifier dans la galaxie l'origine du faisceau que tu es. Ça casse ce faisceau, hein? Hein? On n'en parle pas trop immédiatement, mais on peut dire certaines choses. Si tu aurais des questions claires, on pourrait parler un petit peu plus, mais tu n'en as pas, fait que je vais voir si une personne là-bas en aurait. Quelles sont les étapes de la fusion jusqu'à la fusion complète? À partir de la création de l'univers ou à partir de maintenant? À partir de maintenant, là, pour un humain. Bon. Jusqu'à la fusion complète. J'en ai déjà parlé souvent. Hein? Alors, l'humain doit briser les formes. Il doit s'en égoïser. S'en égoïsant, il devient plus violent, plus colérique, plus frustrable. Il fait des conneries, il fait des rechutes, il les voit. Il doit supporter cela. Lentement, il va devoir se séparer de ses anciennes connaissances, parce qu'il fonce vers du neuf. Alors, il devra supporter sa solitude un peu. Il devra aussi supporter son ignorance. Et lentement, à travers cela, il crée le double éthérique. Donc, tout à l'heure, on a vu un peu que l'humain, en acceptant de nouveaux concepts, engendre ce début de dobétérique. Lentement, l'humain va, avec ses nouveaux concepts, engendrer la logifération. Il va vouloir travailler ses concepts. Et cela est le début d'un contact plus convenable avec un ajusteur de pensée. Et lentement, l'humain va développer son centre laryngé pour engendrer les mots qui pourront servir à sa pensée, à supporter le contact avec la conscience. Et lentement, l'humain va commencer à se répondre. Se répondant, il aura un troisième cerveau. Ayant un troisième cerveau, il va finaliser la destruction de l'ego à l'intérieur de lui. Je résume, il y a plusieurs conférences, on pourra retrouver les titres où j'en ai parlé. Et démolissant l'ego, lentement, il transpire de l'énergie vitale, donc il devient un être humain qui sera rayonnant. Il guérira autour de lui et volontairement. Il apprendra à conserver son énergie pour ne pas guérir. Il sera un être humain qui aura une densité biologique de plus en plus grande. Il va commencer à rajeunir, il va commencer à perdre toutes les formes de maladies qu'il connaît. Sa cellularisation génétique va faire en sorte qu'il sera totalement différent de ses parents. Et lentement, la fusion va s'opérer, en ce sens que l'être humain va devoir vivre un temps de solitude, seul, pour absorber son double éthérique. Il aura une transformation radicale de plusieurs choses qu'il aura dit ou fait. Il changera en tant qu'humain. On aura réellement l'impression qu'il vient de traverser une porte. Et il aura une aura très facile à voir. Il essaiera de la cacher en chevauchant une image endoformique, c'est-à-dire qu'il jouera un jeu de façon à attirer autour de lui suffisamment d'égrégores astrales pour que celles-ci viennent colorer et ternir son aura de façon à ce qu'on la voit moins. Et il aura donc un corps physique immortel. Il sera androgyne, donc il ne pourra plus se reproduire parce qu'il n'aura plus besoin de se réincarner, donc il ne pourra pas faire d'enfant. Il aura la faculté de bilocation de conscience, mais il aura aussi la faculté, lorsqu'il aura fini sa fusion, d'éterrifier son corps physique, donc de créer 5, 15, 20 000 corps physiques similaires à lui ou différents de lui, puis les mettre n'importe où sur la planète. Il aura aussi la faculté de faire des voyages par transport séraphique, donc de voyager à travers l'univers entre les galaxies. Bon, entre autres. Des questions claires. À quel moment, dans ces étapes-là, l'ego disparaît? Est-ce que jusqu'à la fin, l'ego est encore là? Non. Quand le processus de la fusion commence, l'ego arrive à la fin. Quand le processus de la fusion de l'obétérique est au milieu, il n'y a plus d'ego. 30 secondes après, le processus de la fusion est fini. Qu'est-ce qui va motiver l'évolution? À partir du moment, lorsque l'humain ou le corps devient immortel, matériellement immortel, il n'y a plus d'ego. Non. Est-ce que lorsque la fusion est faite, il n'y a plus d'ego, est-ce qu'il y a de l'intelligence? Est-ce que c'est nécessaire que de l'intelligence gère le double éthérique? Ça ne sera que de l'intelligence, le double ainsi que l'humain. Il faut comprendre. Le double éthérique est manipulé par l'intelligence. Il sera manipulé par l'intelligence, mais finalement, il sera manipulé par l'homme. Qui va être l'homme à ce moment-là? Ça va être quoi, l'homme? L'homme, ça va être ce qui a permis la création d'ego. C'est relativement facile à expliquer, un peu plus difficile à comprendre. Normalement, ça demande du temps. Ce que je dis, c'est que prenez patience. Vous allez finir par comprendre. C'est que celui qui change du point de vue de l'ego, ça ne rend pas compte. Il se rend compte qu'il est moins charrié. Il se rend compte qu'il est moins faible, moins manipulé. Il se rend compte qu'il voit mieux. Il se rend compte qu'il aime sans souffrir. Il se rend compte qu'il n'a plus honte. Il se rend compte, et finalement, il se rend compte que ce n'est plus l'ego. Mais il n'y aura jamais eu de transformation. L'ego ne se rendra jamais compte de sa dissolution parce que c'est l'ego qui devient le double éthérique. Ajusté par de l'intelligence. Alors, c'est... Il faut encore attendre pour... Je viens de le dire, c'est clair. Il faut encore attendre pour arriver à goûter ce que ça veut dire. Quand tu dis que l'ego ne se rend pas compte de la transformation... C'est le même parallèle de l'enfant qui devient un adulte. Il n'y a jamais personne qui souffle là-dedans. Mais l'enfant, lentement, est dissous, disparaît du point de vue de sa présence. Et son énergie sert l'homme, mais il est dissous du point de vue de sa présence et lentement, ça devient un adulte. Alors, l'adulte, lentement, devient un émotif. Mais ça devient plaisant pour lui de devenir un émotif. Au fur et à mesure que l'ego va se diminuer, l'ego va être heureux. Mais quand l'ego va être frustré, il va être plus puissant. Puis quand l'ego est replacé, ça va mieux. Puis plus ça va se fondre, mieux ça va être. C'est exactement comme si vous étiez... Une tortue. Tortue. Alors, vous vous vautrez dans la boue, vous avancez très lentement, mais vous avez la faculté de vivre quelques années. Quelques 2, 3 000 ans. Comme certaines tortues. À un moment donné, vous allez avoir une évolution totale. De tortue, vous allez passer à l'être humain, mais ça va prendre des millions d'années. Alors, de génétique en génétique, on est rendu à la dernière finalité des dernières tortues. Dans cette vie-ci, certaines tortues auront la possibilité d'avoir une colonne vertébrale, de perdre leur carapace, de se lever debout, de devenir des humains. Mais la tortue, elle va dire, oui, mais moi, est-ce qu'elle m'est encore une tortue? Non, c'est peut-être un humain. Bon, OK, je comprends. Je ne serai plus une tortue, mais peut-être un humain. Mais moi, tu as au moins encore ma carapace. Non, l'humain n'a pas de carapace. Ah, mais elle va être où, ma carapace? La carapace va te servir de colonne vertébrale. Ben oui, mais si quelqu'un me plante des clous, ça va-tu me protéger? Non, la colonne vertébrale sert quoi à ça? Elle maintient l'homme. Elle ne protège plus. Mais il n'y a pas d'ennemi pour l'homme. Il n'y a pas d'ennemi pour l'homme. Pour la tortue, c'est bien difficile à comprendre. La tortue va dire, bon, OK, est-ce que je vais continuer à manger de la viande avec mon bec? Non, l'homme n'a pas de bec. il y a des dents. Mais des dents, c'est quoi? Ben des dents. Ça a des lèvres. Molle. Tu vas pouvoir boire après une paille. Ça, c'est pas ça qu'avec un bec de tortue. Tu vas pouvoir marcher, déchirer. Tu vas pouvoir parler. La tortue, là. Tu comprends plus rien. Bon, mettons. Est-ce que je vais encore marcher, ben lentement, pour pouvoir voir les fleurs, puis sentir les fourmis, puis... Non! Tu vas te déplacer, non pas à un demi-kilomètre à l'heure, mais peut-être à 120, 160 ou 350, dépendant de l'outil que tu vas prendre. L'automobile ou avion. Ah, mais je ne verrai plus rien. Tu vas voir d'autres choses. Tu n'auras plus l'énergie pour t'arrêter à chaque petite plante. Ben, le monde va être plat. Le monde ne sera pas plat. Tu n'auras plus besoin dans ta conscience de voir une feuille. Tu vas pas à cette vitesse, tu vas à la forêt. Mais pour la tortue, elle s'imagine passer à 100 km à l'heure dans les arbres. Là. Elle voit rien. Elle ne peut pas rien voir. Rien. Rien. Elle n'a pas le cerveau pour. C'est lent. Alors, la tortue qui pose la question, ou l'ego qui dit, bon, ben, une fois qu'il va avoir la fusion, enfin, le double éthérique, tout ce qui constitue la tortue va être toujours présent, mais ce qui est constitué, non. Vas-tu me rappeler de ce que j'aime en tant que tortue? Non. Tu aimes d'autres choses. Fait que je me rappellerai pas que j'aime la viande pourrie. Non. Mais une fois que la tortue a pris conscience de toute cette dimension-là, puis elle le conscientise, en dedans d'elle, elle va se dire, à cette heure, il vaut mieux prendre le temps de goûter intensément la feuille. La feuille, la bébite, la... Oui, l'intelligence de ça, elle dit, ben oui, goûte-y intensément, t'en rappelleras pas plus après. Bon, fait que la tortue, elle dit, bon, ben tant qu'elle peut m'en rappeler plus d'après, autant finir tout de suite. Il y a une petite phase comme ça avec l'intelligence qui vient de te dire ces autres niaisés par là. Une petite phase de même. Ça ne va rien changer. Que tu y écoutes pendant 20 000 ans ou 20 millions d'années, quand ça t'est fait, tu n'en rappelleras même plus. Bon, je vous rappelle, franchement. Tu risques d'attraper plus de maladies entre-temps. Et quand il ne te reste plus que cet espace-là, tu peux avoir des expressions extrêmement résistantes pour... OK? Il y en a, oui, c'est la queue en arrière qui traîne, qui veut s'agripper, c'est... Ouais, disons que là, dans ton vocabulaire, tu as tendance à vouloir ridiculiser ou à réduire ça à des portions... Je ne ridiculise pas, je simplifie. Ouais, fortement simplifié, mais... Non! Le parallèle est... Ah non, le parallèle est pareil. Ah, c'est vraiment, vraiment pareil. C'est la tortue qui veut rien savoir. Mais le parallèle est pareil. C'est simplement, si je dis à la tortue, tu seras plus qu'heureux. Parce que le bonheur d'une tortue, c'est quoi? Est-ce comparable au bonheur d'un humain? Non. Alors, si je lui dis, en tant que tortue humaine, tu vas être heureuse. Ah oui? Ah, je vais avoir des petites tortues toutes les années. Je vais avoir des petits insectes à manger. Non. Je ne serai pas heureuse d'abord. Et oui. Mais c'est au-delà. Quand je dis que l'humain va vivre à un moment donné un bonheur au-delà du bonheur, c'est pas descriptif. L'humain n'a pas ce qu'il faut pour comprendre. Mais dans cette perspective-là, c'est la même chose avec le double éthérique. C'est que l'humain essaie de dire, ah, je vais avoir des tas de petites fourmis à manger, je vais avoir un double éthérique. Puis c'est faux. C'est faux. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, une tortue qui n'est pas complètement sautée, elle va dire, écoute, là, c'est bien beau le phénomène humain, là, mais prenons notre temps. Ben oui. Puis moi, je vais dire exactement, c'est parce que c'est pas ton temps. C'est pas grave. Tu dis, écoute, et c'est la raison que tu te donnes pour te donner l'illusion que tu contrôles, puis que tu refuses. Mais tu refuses rien. Tu sers de marche pour que d'autres te montent sur le dos, pour qu'ils puissent avancer par-dessus toi, puis avant toi, c'est tout. C'est tout. Tu as le choix d'avancer ou de rester là pour servir de pont. Les tortues viennent en arrière. Fait que si tu dis, tiens, on va prendre un repos. Avec 3-4 milliards de tortues qui s'en viennent en arrière, au pas de course, un demi-kilomètre à l'heure, puis qui te rentre dedans. Ça paraît pas trop, mais à longue, les quantités qui vont venir, ils vont te passer dessus, ben ils vont te faire avancer, mais il va se poser quelque chose. Toi-même, t'es une tortue qui avance un peu en avant, sur, comme éclaireur. Moi, je fuis la masse. T'as tendance à l'attirer en fuyant. Non, la gang, ils sont jaloux, ils courent. Un demi-kilomètre à l'heure. C'est le parallèle, et c'est pas ridiculisé, c'est réellement simplifié, c'est tellement ça. C'est ça. Imaginez-vous que vous êtes une tortue puis qu'on veut faire de vous un être humain, mais vous êtes aussi réticent. Mais si la tortue savait ce que c'est qu'être un être humain, elle ne serait pas réticente pas en tout. Et toi, ta réticence à répondre à certaines questions n'est-elle pas une réaction d'un ego très puissant? Il est peut-être rendu gros comme un point, mais qui réagit aussi aux perspectives qui, de la négociation finale auquel il est confronté. C'est un point de vue, en veux-tu d'autre? Il y a des choses que l'ego planétaire, ou l'ego astral, ou l'ego individuel n'est pas capable encore de supporter. Il le colorerait trop émotivement, donc il y a des choses que je ne dis pas. Deuxièmement, il y a des conditions qui sont intéressantes, il y a des questions qu'on va me poser de temps en temps qui me permettent de colorer des choses. Et je n'ai pas le goût, en réalité, je n'ai pas l'énergie pour le dire, même si je le connais, ça me satisfait. Si on pose la question d'une façon différente ou d'une façon plus intelligente ou plus énergétique, eh bien là, je vais le dire, je vais répondre. Il n'y a donc même pas besoin d'avoir d'écho pour empêcher ça, surtout que quand je suis en contact avec moi-même, ce qui est relativement fréquent, l'ego, non. Je ne peux pas mentir. Et je ne peux pas non plus refuser de répondre. Par contre, pour refuser de répondre, je dois me déconnecter et ça paraît. Quand je suis en conférence ou devant certains individus et qu'on se réchauffe, et tu poses une question qui réellement pourrait atterrir quelqu'un, eh bien, tu vois qu'il y a comme un débarquement total de... Là, une recherche de réponse, puis finalement, je te sors une réponse. Mais on est refroidi un peu. Ça, c'est un ajustement collectif. Mais ce n'est pas un refus de l'ego de répondre. L'ego est comme n'importe qui ici, il aimerait bien ça, avoir réponse à tout. Mais l'ego ne l'aura pas. Alors, ce n'est pas lui qui bloque les réponses. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le double éthérique doit exister en équilibre avec un anti-double éthérique ou déséquilibrer non, le plan bouddhique. Les déséquilibres n'ont pas le plan bouddhique et il n'a pas besoin d'un antidote éthérique pour exister. C'est... non. Le soleil n'a pas d'astral, c'est pour cela qu'il n'a pas de plan morantiel. Le soleil a un plan morantiel, mais qui n'est pas tout à fait similaire au nôtre. Le plan morantiel étant l'énergie vitale, étant le plan de la vie sans corps physique, toute structure matérielle a un plan morantiel qui est différent un peu du nôtre. Par contre, il n'a pas de monde de la mort, il n'a pas d'énergie astrale. Trop vibratoire. Peu de monde de la mort qui est là-dedans est brûlé au fur et à mesure qu'il y en a. Le problème-là, un point noir, c'en est un, c'est une concentration d'astralité solaire. Un point noir sur le soleil, c'est une concentration d'astralité solaire, et c'est pas long que c'est carrément balayé par des explosions hypermassives qui proviennent du centre même du soleil. Et étant donné que c'est balayé, c'est comme un quiaille solaire. Je fais des parallèles. Et le point noir, l'astralité, parce qu'il y a de l'expérience fusionnelle du point de vue atomique dans le soleil. C'est pas un cadeau du point de vue atomique ce qui se passe dans le soleil, ça crée de l'expérience. Et à un moment donné, il y a des focalisations d'expérience qui engendrent de l'astralité solaire. Et l'astralité solaire crée un ternissement du point de vue lumineux. C'est un point noir, une tache solaire. Et cette tache solaire-là, elle est bannie, elle est rejetée. Et quand elle est rejetée, évidemment, si on voit la tache, c'est qu'on est dans son chemin de rejet. Donc, quand elle est rejetée, ça peut être terre, il se passe la marde, c'est pas long après. Ça a déjà été constaté souvent, on n'a jamais expliqué pourquoi, mais là je l'explique. Mais si on regarde les taches solaires qu'il y a eu en 1914, puis on regarde les guerres, même chose pour la Deuxième Guerre mondiale, puis chaque fois qu'il y a des taches solaires au niveau du soleil, des taches qu'on peut voir nous-mêmes, on est dans le chemin du rejet, ça crée des perturbations sur la planète. C'est l'astral solaire, il y en a un petit peu comme ça, mais c'est rejeté, c'est brûlé, presque immédiatement, il n'y a aucun problème. Mais à même échelle, il y a un astral galactique aussi. Des taches... Oui. Mais évidemment, c'est toujours pas un astral comme nous vivons nous autres, mais c'est une expérience mémorielle qui est suffisamment densifiée pour avoir des tendances à s'agglomérer, créer une tache. Et c'est rejeté. C'est excrété. Et nous autres, on est des mangeux de... On reçoit tout ça sur la tête. Après ça, on l'exprime par sa côté intentionnel. On fait une petite pause, et puis on revient. Thank you. cassette.